Gionerosa con Gioneroa. Smau, smau. Preddanietta, preddanietta. Monica? Sore! Sore! Sore! Sore! Sore! Filippo, pour ça. Tu veux pas envoyer quelqu'un pour que je puisse prendre mon tour?